Lumière en gare. The exchange sends him to one of the government training centers. Il y a toujours un train qui part pour des horizons nouveaux, et qu'ils soient de rêve ou de hasard. Il nous emmène là-haut. Prends ce train, ne regarde pas en arrière. Chaque gare est une chance, une frontière. Dans ce voyage, on se découvre entier. Et parfois, on doit descendre pour mieux avancer. Dans l'évolution de nos âmes, chaque départ est une flamme. Professionnel ou personnel, chaque arrêt est essentiel. Prends ce train, prends soin de toi, ne regarde pas en arrière. Et chaque gare est une chance, une lumière. Dans ce voyage, on se découvre entier. Et parfois, on doit descendre pour mieux briller. Les relations, ces trains d'émotions, parfois on monte, parfois on descend. L'amour, ce voyage sans fin, chaque arrêt, un nouveau chemin. Prends ce train, ne regarde pas en arrière. Chaque gare est une chance, un mystère. Dans ce voyage, on se découvre entier, et parfois on doit descendre pour mieux aimer. Il y a des gares où on s'attarde pour des raisons qui nous échappent. Des moments doux, des moments durs. Et chaque arrêt, une aventure. Alors je te dis, prends ce train, ne regarde pas en arrière. Et chaque gare est une chance, une prière. Dans ce voyage, on se déconnecte, on se découvre entier. Et parfois, on doit descendre pour mieux aimer. Le train de la vie sans retour nous emmène vers l'inconnu. Mais chaque arrêt, chaque détour nous prépare à l'ultime adieu. Prends ce train, ne regarde pas en arrière. Chaque gare est une chance, un mystère. Dans ce voyage, on se découvre entier. Et parfois, on doit descendre pour mieux aimer. Quand viendra le dernier train, celui qui nous emmène loin, on saura que chaque arrêt était un pas vers l'éternité. Prends ce train, ne regarde pas ton voisin, chaque gare est une chance assez certaine. Dans ce voyage, on se découvre entier, et parfois on doit descendre pour mieux aimer. Alors, prends ce train sans peur, chaque gare est une lueur. Dans ce voyage, on se trouve, et l'amour toujours à nous le prouve. Prends ce train, ne regarde pas, pense, chaque gare est une chance, c'est la défense. Dans ce voyage, on se découvre entier, et parfois, on doit descendre pour mieux aimer.